Bonjour à tout le monde, bulle de rêve. Petit problème technique, mais bon, ça va avancer. On a commencé, alors j'ai un peu piégé Ariel, je remercie Ariel d'être là. Il remplace Nicolas qui doit être à Hawaï ou à Honolulu. Et c'était un petit clin d'œil que j'ai fait, c'est vrai que c'est un peu piégeant cette intro. Pourquoi vous avez entendu le générique, on change de générique, et le générique vient d'un film qui s'appelle Son of Metal. Et pourquoi ? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui en plus a à voir avec l'une de nos invitées aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Baker, et qui a donc un prix, un grand prix, une statuette, un Oscar pour ce film-là, mais qui est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer récemment et qui est un personnage, ben pourquoi pas avoir ici, on sait jamais, un joueur, alors qui a fait peu d'animes, mais qui a travaillé avec absolument quasiment tout le monde, de Ackerman à Iñárritu, en passant par Raoul Ruiz, je sais même plus tellement, il a travaillé avec quasiment tout le monde, et bientôt avec notre invité, l'une de nos invités ici, et c'est un personnage dont j'ai la chance de rencontrer, qui est assez fascinant et qui a une vision de la musique, du son, qui est très intéressante. Alors, il sera pas le seul compositeur, mais voilà, il travaille souvent en partenariat, et il joue beaucoup. Donc voilà, c'était Son of Metal, un Nicolas Baker et Abraham Mander. J'écris tellement mal, je suis désolé. Mardar, je crois. Je suis absolument désolé. Donc, ça, c'était le début. Alors, je suis content. Cette émission, elle s'est un peu improvisée. Je vous ai déjà parlé de l'invité que j'ai eu. On s'est rencontrés lors d'une exposition, d'un début d'exposition. Et je lui ai dit, Radio Libertaire, on aime bien râler. Elle m'a dit, moi, je veux râler. Je fais, d'accord, il n'y a pas de problème. Si, moi, je veux râler, je viens, je veux râler, etc. Et je vous ai déjà parlé d'elle, puisque j'ai râlé contre elle lors de la dernière émission. C'est celle qui nous parlait de légendes, de Nordstein, de choses comme ça. Et je n'étais pas d'accord, je m'en fous des légendes, etc. Vous savez, lors de mes intros mal fagotées que j'écris une heure avant, où Marie-Pauline me regarde en disant « qu'est-ce qu'il a encore été chercher ?» Je sais, je la regarde, elle me voit, et je sais très bien la voir avec son petit regard en coin, de dire « mon Dieu !» Et donc voilà, sur toutes ces choses-là. Et donc je suis très content, on est très content de la voir. C'est Momoko Seto. Bonjour Momoko. Bonjour. Et Momoko nous a proposé, et je suis très content, on est très content de l'avoir aussi, d'avoir Mireille Grécou. Bonjour. Bonjour Mireille, je ne suis pas sûr que tu prononces bien Grécou. Grécou, si, c'est bien. Ça va, ok. Oui. Alors c'est intéressant de les avoir, on va faire pas un petit pas de côté, on est dans l'animation, dans ce qu'on appelle peut-être maintenant, on a oublié ce terme d'hybridation, parce que c'est tellement partout que, est-ce que vraiment aujourd'hui encore dans l'hybridation des images, on n'est pas sûr. Ils ont quasiment, on va l'entendre râler Momoko, mais on va évidemment parler de leur travail. Ils ont vraiment une espèce de trajectoire, ils sont nés, on dira pas leur date, mais à un an de différence. Donc voilà, a priori, si je dis pas de bêtises, en tout cas sur leur site, ils ont quasiment commencé en même temps. Ils vont fêter leurs 20 ans de carrière l'année prochaine, a priori 2004, en tout cas sur vos sites pour vos premiers films. Donc voilà, donc c'est vraiment la même école, qui est une école, je sais que Marie-Pauline aime beaucoup, qui est le Frénois notamment, plein d'autres écoles, mais en tout cas le Frénois. Et des gens qui travaillent beaucoup et qui s'amusent. Alors, on va voir si le mot amuser est vrai. Des fois, c'est compliqué. Mais en tout cas, qui jouent avec l'image et qui jouent avec la représentation aussi, et notamment chez Mira énormément, de nos environnements et de ce qui est autour de nous. Alors, on va commencer par évidemment une musique. Normalement, c'est moi qui aurais dû avoir l'album du mois. Pourquoi ? Parce que l'album que j'ai choisi est sorti hier. Et là, Marie-Pauline ne pouvait pas me battre. La seule chose, c'est que je me suis dit, si je vous mets 8 minutes de black metal pour commencer, j'ai pas osé. Et je me suis dit qu'après nos deux invités, ce que nous proposait Marie-Pauline fonctionnait bien aussi pour faire une bonne intro. Donc Marie-Pauline, je te laisse l'intro, non pas l'album du mois que je prendrai, mais en tout cas l'intro. Et nous allons écouter une très belle découverte. Je suis très content que moi de l'écouter. Donc on t'écoute pour nous introduire le morceau qu'on va entendre. Et eh ben oui, et puis ça tombe bien Alexis, parce qu'en fait c'était pas possible de faire un album du mois. L'album du mois, on l'a déjà fait dans la dernière émission. Et je vous rappelle que c'était PJ Harvey avec Inside the Old Year Dying. Voilà, donc hors de question de faire de la concurrence à la reine avec un autre album sorti cette dernière semaine. Mais bon, j'ai pas écouté le tien, donc je te laisse le bénéfice. Ça n'a rien à voir donc. Voilà, moi j'ai donc décidé de me tourner vers un album qui est sorti plus tôt dans l'année, et à côté duquel, peut-être, comme moi, vous êtes jusque-là passé. The Stelling Reposes, splendide collection de morceaux étranges et hors du temps, réunis par la violoncelliste Laia Cole en mars dernier. C'est le deuxième album de la musicienne américaine, patiemment constitué d'extraits de radio et d'enregistrements de terrain, les fameux field recordings, mêlés à des improvisations au violoncelle ou encore des sons de synthétiseurs, de piano, des cloches et ainsi de suite. Ce collage musical, qui évoque le passionnant genre cinématographique du film de montage, ne ressemble à rien de connu, chaque titre créant son propre monde sonore et faisant naître tout un univers sensoriel, semblant souvent venir d'une toute autre réalité, plus riche, plus complexe et plus profonde. Tout l'album s'écoute quasiment en état d'hypnose, presque de transe. Démonstration avec ce qui me semble le plus beau morceau de l'ensemble, le cristallin et sublime, pardon, When Glass is There and Water, qui m'évoque personnellement des paysages de déserts gelés à perte de vue, de montagnes figées et de glaciers qui respirent et s'effritent dans d'indescriptibles craquements. Ariel, donc on écoute Lea Cole, le numéro 2. Thank you. Je me fais un petit geste. Voilà, merci beaucoup, Marie-Pauline. Moi, j'ai écouté tout l'album. C'est super beau. J'ai regardé. Elle passe pas en concert, malheureusement, parce que ça doit être quelque chose. Alors, je sais pas comment ça pourrait être, effectivement, ce genre de concert, mais effectivement, on va surveiller ça. Ouais. Allez, juste avant de parler avec nos deux invités, enfin, et d'entendre Moko râler, je sais que vous tous attendez ça, on va parler. Nicolas, tu voulais nous faire un petit retour couplé, un duo Annecy Zagreb ? Oui, ça peut les être. Les pour et les contre, les Nicolatis d'or, donc ce que tu as détesté. Non, mais en fait, on parlait un peu aussi des festivals. Mais c'est vrai que c'était la première fois que j'allais au Festival de Zagreb, qui est quand même l'un des plus gros festivals d'animation. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir finalement la taille du festival, qui est vraiment, pour l'un des plus importants festivals et l'un des plus gros festivals d'animation, ça reste à échelle totalement humaine. C'est assez intéressant, ce qui est aussi très, très agréable. Et c'est là-bas où on se rend compte de différence avec Annecy. C'est ça, hein, complètement. Ouais. Annecy est totalement démesuré par rapport justement à un festival comme Zagreb. Je ne m'attendais pas particulièrement à ça et c'est d'autant mieux justement. Et puis ce qui est aussi intéressant à Zagreb et qu'on retrouve de moins en moins à Annecy quand même, c'est que Zagreb reste un véritable festival qui met en avant le court-métrage par rapport au long-métrage et un côté un petit peu plus expérimental avec notamment ici un invité qui avait déjà essayé de venir à Annecy quelquefois, enfin Kenty avait essayé d'appeler plutôt quelquefois, mais qui n'était jamais venu, qui est William Kentridge, ce qui était quand même plutôt intéressant. William Kentridge qui s'en est donné à cœur joie avec une exposition originale justement pour le festival, une masterclass, une rétrospective de ses films et une performance en direct où en fait il jouait sur scène justement un poème à base de voyelles justement réalisé par un artiste dont j'oublie le nom, mais allemand des surréalistes qui était assez impressionnant. Et après la compétition court-métrage, même si j'ai pas forcément adoré tous les films, était quand même vraiment extrêmement intéressante. Juste on va demander à Moko de pas tout casser parce que là Ariel la regarde avec des gros yeux en disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire. On entend tout, excusez-moi Nicolas, mais j'ai pas, tu peux l'avancer si tu préfères, t'inquiète pas. Tu voulais, on t'entend bien, t'inquiète pas. Et avec, vas-y Nicolas. Ouais, avec justement la différence avec Annecy, c'est qu'Annecy, même si que ce soit pendant la conférence de presse ou après, ils disent qu'ils mettent quand même toujours en avant évidemment le court-métrage parce que c'est le cas depuis les origines. Même si cette année quand même il y a eu un petit progrès depuis l'année dernière où ils mettaient le court-métrage à 10h du matin justement quasiment en même temps que les rencontres du court-métrage, etc. Voilà, et puis les courts-métrages étudiants à 23h. Cette année, ils ont remis l'après-midi. On a quand même l'impression que c'est noyé dans quelque chose qui finalement fait en sorte qu'on ne les voit quasiment plus. Il n'y a pas de séance spéciale ou pratiquement pas autour du court-métrage. Il y en avait peut-être une cette année avec deux moyens-métrages justement de Denis Do et puis de la réalisatrice de L'île de l'oiseau bleu. Là, mais il y a quasiment rien autour du court-métrage. Évidemment, il y a quelques petites choses au marché, mais là, on parle vraiment du cœur du festival pour nous qui fait vraiment la salle. On a quand même l'impression qu'il y en a de moins en moins et que c'est vraiment noyé sous des tonnes de séances spéciales. C'est vraiment Disney, Pixar, du long-métrage, du long-métrage, du long-métrage. Pharrell Williams. Mais plus grand chose à côté malgré tout ce qu'on veut bien nous dire, ce qui fait que c'était quand même très agréable par rapport à ça d'être à Zagreb où enfin on pouvait vraiment voir justement du court-métrage. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques films évidemment qui se rejoignent entre les deux festivals, malgré tout on voit quand même des grosses différences en termes de programmation entre Zagreb et Annecy, où en fait on a l'impression qu'à Annecy il faut mettre le nouveau court-métrage par exemple de John Musker parce que bah c'est John Musker parce que c'est tout. John Musker, oui, c'est le réalisateur de La Petite Sirène et Sirène, compagnie, voilà, donc les Disney. Qui a fait un court métrage. Voilà, qui a fait un court métrage avec un chat, dont tout le monde se demandait vraiment ce qu'il faisait en compétition, mais bon, il y était. Et on a l'impression aussi que c'est vraiment le lieu où en fait on a tous les films les plus attendus, même si bon, ils sont juste attendus en fait, c'est pas forcément les plus intéressants non plus. À Zagreb, on a quand même eu l'impression de quelque chose qui était plus cohérent en termes de ligne éditoriale, ce qui est quand même là aussi quelque chose d'un petit peu différent et c'est un petit peu dommage. Peut-être plus de risques en effet à Zagreb, ouais, enfin plus de tentatives. Mais à Annecy, il y a la sélection étudiante. La sélection étudiante qui était là aussi, évidemment, quand même. que les Alexandres, quand même, il faut le dire, parce que là, après, regardez, oui, ça va. Non, moi, je parle de la compétition officielle. Oui, hein, je parle essentiellement de la compétition officielle. Et avec cette idée, justement, à Zagreb, qu'ils ne se sentent pas obligés non plus de mettre tous les grands noms en compétition et qui font d'ailleurs une sélection spéciale Master of Animation, où en fait, les grands noms sont quand même visibles d'une certaine façon, sans être obligés d'être mis en compétition pour laisser de la place à d'autres personnes. Après, on commence à commander, je serais vraiment curieux de voir, et je ne sais pas si au PIAF aussi, autour des sélections, on invite quand même pas mal les gens qu'on aime bien et qu'on connaît. Je trouve que c'est de plus en plus, il y a tellement de films aujourd'hui qu'on retrouve énormément les mêmes noms, la sélection d'Ottawa, très belle sélection, mais on sent que c'est des gens qui sont déjà passés par Ottawa. On sent qu'il y a ça de plus en plus quand même, cette idée de se dire... Il y a quelque chose qui est à peu près logique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont clairement passés par Zagreb, c'est aussi beaucoup des gens qui viennent notamment justement des Balkans, par exemple, et donc évidemment ils mettent en valeur cette cinématographie-là, ce qui paraît logique, comme à Ottawa, ils mettent en valeur aussi les cinématographies nomades américaines, donc c'est beaucoup de gens qu'on voit par ailleurs peu à Annecy ou en Europe d'ailleurs, qui passent à Ottawa, mais ils mettent en avant évidemment l'animation plus canadienne, nord-américaine, général. Alors un coup de cœur juste, je sais pas, un film qu'il faut absolument qu'on voit. Le film de Stephen Irwin par exemple. Que j'aime beaucoup, je pense qu'il n'a pas trop fait l'unanimité. Stephen Irwin est un cinéaste d'ailleurs assez surprenant parce que j'ai l'impression qu'il se déplace jamais en festival. Je ne sais pas s'il n'aime pas du tout se déplacer en festival. Ça va bien avec ses films. Ça va bien avec ses films qui assez, sont des films assez sombres, assez durs. Très particuliers, oui, c'est ça. Très sombres qui partent parfois un petit peu dans tous les sens. Là, on a vraiment l'impression que le film qu'il présentait était un film sur pratiquement parentalité assez compliquée, donc avec un couple qui vient d'avoir un enfant et qui part dans quelque chose qui est extrêmement sombre, avec l'enfant qui n'arrête pas de vouloir s'en aller, eux qui essaient de le récupérer, un enfant qui part en flamme, en autocombustion. On est vraiment dans quelque chose qui part vraiment dans un univers, mais vraiment très sombre, très glauque. En même temps, il y a toujours quelque chose qui parfois est assez cosmique. Il y a vraiment, et c'est vraiment le genre de film à voir sur très grand écran aussi, on a vraiment des images qui sont absolument magnifiques, mais quelque chose qui prend, qui angoisse, qui est vraiment lié à de l'anxiété, à des troubles très anxieux et qui est assez bien fait justement par rapport à ça. Allez, avant que tu se dormes, Marie-Pauline, toi t'as un film à Annecy, t'étais pas à Zagreb cette année, mais à Annecy qui t'a marqué, court, long, série, ce que tu veux, il y a un film qui est important pour toi. Elle rigole, donc c'est-à-dire qu'elle sait déjà. Oui, moi, il y a un film, mais je ris parce que j'ai cassé les pieds à peu près tout le monde avec ce film depuis 6 mois. C'est le film polonais de Barbara Rupik, dont malheureusement, je n'arrive jamais à retenir le titre. Alexis, je me tourne vers toi. Non, ça te parle pas non plus. Puisqu'on vient de lui donner, en plus, c'est dans un festival en Pologne, on donnait le Grand Prix. Et voilà, et je l'ai appelé le film de Barbara Rupik depuis 6 mois, et donc je ne retiens pas son titre. C'est un film magnifique dans lequel des statues se mettent en route. Et c'est des statues qui sont, je ne sais pas réalisées en quelle matière, mais en tout cas, elles sont très huileuses et suintantes. Et il y a plein de gens que ça révulse, apparemment. Moi, je trouve le film magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vus cette année. Et de manière générale, Barbara Rupik est une des réalisatrices les plus passionnantes que j'ai eu la chance de découvrir depuis que je fais la sélection. Depuis que je fais la sélection à Annecy. Alors merci Nicolas de m'avoir trouvé le titre original qui est Tekikudasis Darjaja. Voilà, j'aurais trouvé le titre international, ça aurait été plus facile. Mais voilà, Barbara Rupik, allez voir ses films précédents, notamment The Little Soul, La Petite Âme, sont disponibles, je crois, sur Vimeo. Et c'est un peu dans le même genre d'esthétique, et c'est absolument sublime. Peut-être un peu plus, pas léger, temps, mais avec une narration un peu plus... Dans le nouveau, oui, c'est plus léger. Oui, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu plus léger, ouais. Justement, plus beau, de presque plus lumineux dans ce côté... Dans ce côté glauque. Dans ce côté gluant. Gluant. Moi, je ne comprends pas, en fait. Les gens qui me disent que les films les dégoûtent, je ne les comprends pas. Moi, je le trouve sublime. Voilà, donc Barbara Rupik. Oui, non, tout à fait. Complètement d'accord. Allez, Nicolas, juste en un mot, l'Otis d'or de cette année. Alors, même s'il y a quand même eu, évidemment, de très bons films, évidemment, quand même en sélection, je pense que la sélection d'Annecy était quand même assez intéressante. Il y a eu aussi énormément de déceptions. Allez, dis-nous ton Otis d'or, voilà. On le sait. Je ne me souviens même plus du titre. C'est pas ce film mexicain. Si, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un film mexicain, en tout cas, qui était en compétition. exposition à Annecy cette année qui était une horreur absolue. Est-ce que tu peux la phrase que tu as écrite dans ton article? J'ai oublié la phrase, mais voilà. C'était un film en gros sur un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, qui arrive dans les camps de concentration et qui réclame après sa maman. C'est vraiment, c'est tout, à mon avis, ce qu'il ne faut pas faire quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah aujourd'hui. C'est vraiment sur le regard de l'enfant qui se dit que aujourd'hui, il n'a pas envie de mourir, etc. etc. C'était absolument désastreux en termes d'écriture et en termes de tout. Juste parce que là, on pourrait croire que c'est un tisse-dent, mais pour le peu, moi j'ai pas vu, pour le peu, ça a été visiblement une espèce d'unanimité. Unanimité générale. Tout le monde se demandait assez général sur pourquoi ce film. Je crois que même John Musker n'était pas. La seule explication qu'on peut avoir, c'est que c'était l'année du Mexique et donc il fallait mettre un film mexicain en compétition. Avec cette question, c'est est-ce que le Mexique n'avait vraiment rien de mieux à proposer quand même? Et tu vas garder la parole et on va te faire aller avant de cette fois-ci de passer à nos invités. Ta proposition musicale qui est Ascendant Vierge. Oui, influenceur. Alors, c'est juste un duo électropop français qui est apparu il y a 2-3 ans. Et donc, voilà. Vous voyez les différences de présentation entre Marie-Pauline et Nicolas, et vous verrez la mienne juste après. Ariel, on écoute donc Influenceur. Un passif de souffre et douleur, ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Copieur, copieur. Dealer, dealer. Killer, killer. Montre-leur, montre-leur. Que t'es brisé de champion vainqueur. Baratineur, bluffeur, trimeur. Tu n'es juste qu'un pipoteur. Mytho, lâcheur, t-shirt, stalker. 10 joueurs. Ooh. Et voilà, on est de nouveau en ligne. Merci Ariel, on parlera de ce qu'on disait hors micro tout à l'heure, Mireille, quand on sera de nouveau hors micro. Momo Kiseto, Mireille Grécou, juste alors très rapidement, au début, puisque vous avez fait la même école, vous nous parlez un peu, le frénois, c'est aussi libre qu'il y paraît, puisque... on est là pour aller, de toute façon c'est fini maintenant, c'était il y a longtemps, moi quoi, me regarde pas. Non mais je sais pas, c'est une école, on recevait Rachel Goodgartz il y a 15 jours, réalisatrice israélienne, donc qui est acceptée au Fresno, donc qui va rentrer dans le Fresno, et c'est vrai que c'est une école qui, j'ai l'impression, fait beaucoup rêver par rapport à cette liberté qu'il peut y avoir à l'extérieur. Momoko. Alors, liberté serait peut-être pas le mot, ouais, adjectif qualificatif numéro 1, franchement. Ouais, c'est vrai. T'es d'accord ou pas? Je sais pas comment on définit cette liberté, tu vois. Non, c'est pas du tout libre. Enfin, si, tu vois, il y a des règles. Enfin, en première année, il faut faire ça. En deuxième année, il faut faire ça. Ouais, mais c'était quand même des règles assez faciles à plier. Moi, j'ai fait ce que j'ai voulu dans les deux années. Enfin, mon film de première année, film de deuxième année, c'est quasiment la même chose. C'est vrai. Donc, c'est quand même assez libre. Hein. Okay. De ce point de vue, après, vraiment, ça dépend comment on définit cette liberté. Non, mais par exemple, la deuxième année, la règle de jeu, c'est de faire un truc numérique. Donc, à l'époque, donc on était, donc, à peu près 15 ans, et ben, voilà, il fallait utiliser de la 3D. C'était ça, la nouvelle technologie à l'époque. Et ben, si quelqu'un ne voulait pas utiliser la 3D, ben, il fallait quand même qu'il se débrouille pour utiliser ou d'autres, des caméras nouvelles. Ou en fait, des caméras infrarouges. Ouais, c'était atroce. Il y a tout. Après, les gens, ils se forcent à utiliser une caméra infrarouge. T'as un plan d'infrarouge, oui, t'as pas très bien compris pourquoi, ouais, il est là. Bon, ben voilà, c'était le cahier charge. T'as rempli la case. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un plan, genre, j'ai rempli ma case. On peut même mettre le sous-titre. Oui, mais ça, franchement, toi, tu te dis que c'est pas... Mais franchement, c'est libre. T'étais pas à l'école en Roumanie, toi, pour voir la différence. Donc, je peux te dire, c'est quand même une sorte de liberté. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu définis la liberté? La personne qui va, par exemple, au Frénois ou à autre endroit, on s'en fout, est-ce que cette personne, elle fait ce qu'elle veut? C'est ça, la liberté? De ce point de vue, mon école d'avant, l'école de Art Déco Strasbourg, qui maintenant, ça a un autre nom, parce qu'ils ont mergé avec les autres, Mulhouse, je sais pas quoi... En tout cas, là, c'était ça, la liberté. Il y avait un étudiant, il n'a rien fait. Donc, il est venu aussi, au diplôme. Il n'a rien fait. Ouais. Ils lui ont donné félicitations. Parce qu'il n'a rien fait. Voilà. Et c'était ça, la liberté. Ça, c'est la liberté, alors. C'est beaucoup de liberté. Voilà. Marie-Pauline, je te vois, tu veux réagir. Oui, j'ai l'impression aussi qu'en fait, ce qui fait beaucoup rêver sur le Frénois, je ne sais pas si c'est la liberté, mais en tout cas, c'est la possibilité de passer deux fois une année entière ou presque à travailler sur une œuvre en ayant un financement qui est, je crois, pas trop mauvais et qui donne, je ne sais pas si ça donne une liberté créative, mais en tout cas une liberté matérielle de se dire, voilà, je vais passer deux années à créer deux œuvres globalement sans trop me poser de questions par ailleurs. Moi, je pense que c'est ça qui fait rêver au Frénois, c'est que pour c'est un étudiant, voilà, il y a un peu de thunes pour faire son projet. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, en fait, quand on sort des Beaux-Arts ou d'école d'art déco, souvent c'est le cas des gens qui viennent se présenter au Frénois, ben voilà, on n'a rien, hein, donc on ne paye personne, on utilise nos propres caméras. Puis il y a l'infrastructure, c'est vrai, qui est quand même génial. Pas mal, ouais, non, au Frénois, c'est vrai. Ils avaient le dernier Flame à l'époque, qui coûtait je ne sais pas combien. Très cher. Très cher, voilà. Et puis, non, c'est... Voilà, donc tu passes à un niveau déjà techniquement au-dessus. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait rêver. Oui, je pense que c'est ça qui fait rêver. C'est que t'as après, habiter à Tourcoing, franchement, ça fait pas ça très rêver. Hein. Vous l'aurez compris, la partie râleuse, elle nous l'avait dit. Ça se trouve, de toute façon, donc ce sera pas, sachant que Nicolas est d'accord, puisque lui vient du Nord et il aime pas trop. Hein. À chaque fois, il aime pas, donc voilà. Marie-Pauline, tu voulais... Oui, moi je voulais juste te dire, parce que j'aime beaucoup cette histoire, parce que Momoko, on avait déjà parlé ensemble du Frénois, et c'est vrai que tu as un regard qui est beaucoup plus réaliste, je pense, que ce qu'on peut avoir, nous, en n'y étant pas allé, en voyant juste les films qui en sortent, en se disant ouais, c'est une super école, mais en fait ce que j'avais trouvé très beau, c'est que quand même, quelque part, ce qui s'est passé là-bas, ça a influé sur ce que tu fais encore maintenant. Oui, c'est vrai, ça c'est sûr, parce que, on avait parlé ouais, tout à fait. Non, c'était en fait, donc c'était pas forcément la liberté que je voulais dire, mais les contraintes peuvent nous faire ouvrir d'autres portes. Voilà, il y avait des choses, moi je faisais des trucs plus plutôt narratifs avant, enfin j'essayais de faire des personnages et tout, et puis tout d'un coup, en deuxième année, ben voilà, il faut faire des trucs techniques, technologiques. Et or, avant, quand on était au Beaux-Arts, c'était une réflexion à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas genre j'ai une nouvelle caméra, qu'est-ce que je peux faire? C'est genre, je veux raconter ça. Donc, pour raconter ça, quelle technique j'utilise? Donc là, c'était complètement à l'envers. C'était de dire, voilà, il faut utiliser la 3D ou il faut utiliser la nouvelle caméra. Mais pour dire quoi, en fait? Donc, tu vois, on était assez... je me souviens, on avait plusieurs étudiants en disant, mais on ne réfléchit pas comme ça, en fait. Mais de fait de penser voilà, autrement et puis jouer avec la technique, la technologie, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut créer comme nouvelle image, c'était ça, en fait, finalement, hein, qui était intéressant. Je crois que c'était très, très, très mal présenté en disant, il faut faire un truc numérique, ça ne voulait rien dire. Mais dire, voilà, inventons des nouvelles images qui n'ont jamais été vues, ça, c'est plus intéressant. Est-ce que le fait qu'aussi vous avez... pas un certain âge, mais je crois qu'il faut quand même un âge minimum. Non, non, mais écoutez la fin de ma phrase avant de vouloir absolument... Non, mais on arrive à un certain... C'est comme la poudrière. Le fait d'arriver aussi à un certain âge au Frénois permet de plus facilement dire « Ok, ça, ça m'intéresse, mais je vais peut-être aller à côté » que quand on est plus jeune, on arrive et on se dit « Bon, bah, il faut que je suive absolument cette règle-là, non ? Est-ce qu'il n'y a pas... Ça dépend, il y en avait des jeunes aussi. Il y avait des jeunes aussi, je crois qu'il y avait un âge... Pas que des vieux. Et on n'était pas si vieux d'ailleurs, hein, il faut dire. Si on commence sur tous les mots liberté, vieux, ça va être... J'ai pas dit vieux, j'ai juste dit qu'en effet, le fait de, déjà d'avoir fait plusieurs écoles avant, d'avoir un bagage avant, permet peut-être aussi de prendre ses contraintes aussi de manière complètement différente. Mais en même temps, il y avait des gens qui n'ont pas fait d'école avant, hein. Quasiment pas d'école. C'était rare, mais tous les ans, il y en avait. Oui, avec des projectionnistes. Mais qui avait donc un bagage, quand même. Moi, je parlais du bagage. L'obligation d'avoir fait quelque chose avant de rentrer, de ne pas pouvoir rentrer à 18 ans, juste à l'heure sauter du bac, par exemple. Non, il y a un critère de rentrée, quand même. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Et donc, peut-être que ça aide aussi. Oui, oui, sûrement, ça aide. Tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire. Artistiquement, tu as un peu une idée. Tu n'es pas au tout début où tu ne sais pas. Tu n'es pas à première année de Beaux-Arts, quoi. Voilà. Comme au premier vernis. 2008, peut-être pour nous, en tout cas, c'est là où on t'a plus connu, c'est Planète A. Ça t'est venu d'où? Ça t'est venu d'où, cette idée d'être avec les insectes, ce jeu, la Il n'y avait pas d'insectes. Il n'y avait pas d'insectes. Je savais que ça n'allait pas être... je savais que ça n'allait pas être facile. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, ce jeu avec... ah, la pourriture. Il n'y a pas de pourriture. Dans le ciel. Il n'y a pas de pourriture dans le ciel. Il n'y a pas. Non. Ok, alors vas-y, dis-nous tout. Alors, vas-y. Je te en laisse. En plus, tu avais dit que c'était mon film préféré. Oui, bien sûr. Bon, au il a confondu. J'en ai fait 4 alors, ça se mélange un peu. Je mélange un tout petit peu. Vas-y, Marie-Claude, aide-moi, sauve-moi de ce moment. C'est des cristaux. Oui, voilà, c'est ça, c'est des cristaux de sel. Donc, en plus, tu as dit que tu aimais beaucoup. Mais j'aime beaucoup Planète A. C'est là où j'ai découvert en effet ton cinéma et j'ai pas. C'est ça l'improvisation des fois. Hein. Oui, non, c'est bien. On peut pas, bravo. Comment alors, ce que je vais peut-être dire qui était plus large à la base, qui était plus large, c'est comment tu as eu envie de jouer avec le timelapse, comment tu as envie de jouer avec ce qui est autour de nous. Non, alors, ok. Puisque ça, l'idée, c'est que tous les deux, vous jouez avec les environnements de manière complètement différente. En fait, je voulais en venir à ça. Comment vous mettez en place ce jeu-là? Donc déjà, toi, Momoko, encore une fois, quand je dis jeu, c'est parce que je trouve que de l'extérieur, ça ressemble à un jeu. J'imagine bien que de créer, c'est autre chose. Mais de l'extérieur, il y a ce plaisir, on a l'impression. Donc comment ça t'est venu au début, cette envie? C'était en fait, j'avais déjà des sculptures en sel chez moi. Donc comme les plans, je mettais de l'eau, je mettais un peu de sel et puis je fabriquais des cristaux. Et au Frénois, je voulais faire une sculpture à la base. Une grande sculpture évolutive avec du sel qui tombe, etc. Et on m'a dit que c'était trop cher, ma proposition. Donc j'étais recalée. J'ai dû réécrire un projet. Et puis j'étais la seule à être recalée, je crois, en décembre. C'était horrible. Tu te souviens? Non, c'était horrible. Bref, et du coup, je me dis, bon, bah, je vais faire un film, ça va être plus simple. Voilà. Et l'envie, c'était de voir. Mais ces cristaux, quand ils gonflaient, ils gonflaient avec des formes assez incroyables. Enfin, ils étaient en carré parfait, ou ils faisaient des pics comme ça et tout. Je dis, c'est cool, quoi. Comment ça devient comme ça, en fait, de l'eau avec du sel? Comment ça devient des pics? Comment ça devient des carrés parfaits? Parce que des halites, des cristaux de sel, c'est vraiment... Quand l'eau est pure, c'est vraiment des carrés parfaits. Un truc fou. Cube. Ouais, exactement. Cube. Exactement. Des vrais cubes. Et du coup, je m'étais dit, ça serait chouette de les voir. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, sans forcément l'idée de planète qui va venir après. Là, pour l'instant, c'est... C'est ça. Et du coup, c'était comme ça que le timelapse est arrivé, la photo, etc. Qui est d'ailleurs vu comme le cinéma, hein, timelapse. C'était pas une nouvelle technologie du tout. Donc, je cochais pas encore la case. Et en fait, quand tu prends des photos, tu te dis, bah tiens... Tiens, ça ressemble un peu à un désert. Tiens, ça ressemble à un monstre. Enfin, tu vois, avec beaucoup d'imagination, les cristaux sels, tu les vois comme un monstre et tout. Et tu te dis, tiens, avec une lumière comme ça, et c'est comme ça que Planète est née. Et tu fais en parallèle, parce que tu fais pas mal de documentaires aussi, si je dis pas de bêtises, là, depuis 2006, avant 2004 aussi, pardon, mais notamment en 2006 avec Plaisir Atomique, où tu vas t'intéresser beaucoup aussi à... l'histoire du Japon, en tout cas pas mal de choses sur l'histoire du Japon. Tout ça, ça se nourrit l'un l'autre, c'est-à-dire le fait ensuite d'inventer ces planètes, de vouloir continuer à travailler sur ces planètes, je sais pas, les deux se nourrissent. Je crois que ça se nourrit, ouais. Ça n'a pas l'air comme ça au premier abord, mais j'ai compris après 20 ans de pratique qu'en fait, il y a un lien à beaucoup de... c'est sous-jacent, c'est pas toujours évident, mais il y a un lien sur l'intérêt des choses qu'on ne s'intéresse pas, par exemple. Les documentaires que j'avais fait au Japon, c'était sur les Hibakusha, les gens atomisés, enfin les victimes de la bombe atomique. Puis après, c'était les sinistrés de tsunami, donc on les voyait plus une fois qu'on parlait de nucléaire, politique, voilà, ils étaient on les oubliait quoi. Alors, ils étaient là. Les hôtesses de bar, quand même, c'est aussi des sortes de minorités, voilà, un peu niche. Donc c'est toujours voilà, des choses qu'on ne s'intéresse pas au premier abord et qu'on trouve pas forcément... C'est pas forcément voilà, ce qu'on va se dire. Voilà, c'est pas le Mont Fuji, c'est pas le beau paysage Japon. C'est plutôt un truc d'un peu de bas-fond, voilà, un peu caché. Et quand je m'intéresse à la mousse ou des insectes qu'a priori, c'est plutôt répulsant et que je les magnifie, bah, y a toujours le même geste, un peu de l'invisible, qu'on rend visible, mais non seulement je le rends visible, mais je le magnifie. Enfin, magnifier dans le sens agrandir, et dans le sens beauté aussi. Enfin, je pense qu'il y a toujours cet intérêt. Voilà. Ça, c'est un plaisir quand dans Planète Z, qui là, par contre, est réellement un film avec des moisissures, avec pas mal de choses. Non, mais quand on le montre, à chaque fois que je montre des petits extraits, c'est qu'à chaque fois, je dis c'est la moisissure, ou c'est des choses comme ça, les gens sont surpris parce qu'ils ont trouvé ça beau. Ouais. Et que d'un seul coup, quand on leur dit que c'est quelque chose qui, a priori, normalement, est, voilà, les déplaît, il y a quelque chose de, voilà, de physique, de très physique dans leur réaction. C'est quelque chose qui te plaît, ça, d'avoir cette réaction-là. Ouais, très, ouais. Ouais, très, très, très. Parce que justement, ça change de paradigme. Déjà, c'est intéressant. Et aussi, ouais, je pense qu'il y a aussi un truc un peu. Pas un peu, je sais pas, c'est pas vraiment le mot, mais un peu de l'ordre de perversion, un peu aussi. Tu vois, tu te dis, tiens, comment j'ai pu m'intéresser à ça? Comment, tu vois, tu te découvres presque envie de toucher, presque envie de, tu vois, de l'approprier et tout. Du coup, il y a un côté un peu interdit, un peu ce que tu t'es interdit en tout cas, et que tu as envie de t'approcher. Donc, tu vois, il y a une sorte de frontière que toi-même, tu le casses, tu vois. Et ça, j'aime bien. Toi, Mirai, on t'a... Alors, je sais qu'il y avait d'autres films avant, mais je pense que l'un des films qui t'a fait le plus connaître, c'est The Reflection of Power, en 2015, je dis pas de bêtises. Ça vient d'où, cette histoire de prendre ce lieu si emblématique et si caché qu'on voit peu, qui est donc... Ah ben, ça vient de... J'ai toute une fascination pour la Corée du Nord. Et ça vient du fait que j'ai grandi pendant Ceausescu, donc c'était notre dictateur à nous. Mais voilà, quand j'étais petit, et Ceausescu, il était très très ami avec le grand-père de Kim, qui s'appelait Kim Il-sung. Et du coup, ils allaient beaucoup en Corée du Nord, à la télé, parce qu'à la télé en Roumanie, quand j'étais petit, il n'y avait que 2 heures par jour. Et sur les 2 heures, il y avait 1h30 de Ceausescu. Donc il n'y avait que ça. On a vu, et c'était incroyable, parce qu'il y avait tous ces spectacles sur le stade et tout ça. Donc tu vois, ça, c'est pas inventé maintenant. Hein. C'est toute une... un art de créer ce genre de spectacle. D'ailleurs, c'est Ceausescu qui était un des premiers. Et après, c'est Kim Il-sung qui s'est inspiré, donc il a fait plus grand. Et après, le plus grand, c'est Kim. Mais bon, Ceausescu, il y avait quand même une sorte d'émulation de ça. Hein. Bon, bref, donc, disons, moi, comme j'ai grandi pendant l'époque de Ceausescu, il y avait chez nous des spectacles sur le stade. Par exemple, ma cousine à moi, elle est allée dans le... pour mettre des pancartes, tout ça. Et tu sais, pendant le stade, ils mettent des pancartes colorées. Donc, il y avait ma cousine. Après, j'ai un autre cousin qui est élu pour donner des fleurs à la femme de Ceausescu, parce qu'ils visitaient leur ville. Et du coup, il fallait élire les meilleurs élèves pour donner les fleurs. Et mon cousin, voilà. Donc, tu vois, c'est, pour moi, c'était un peu... disons, j'ai grandi dans ça. Et j'ai jamais compris, en fait, parce qu'on me disait que, bon, ouais, Ceausescu, c'est quand même un dictateur, on n'a rien à manger, tout ça. Donc, voilà, je voyais qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Mais en même temps, quand tu n'as rien pour comparer, c'est très difficile de te faire une idée de... Tu vois, l'Occident, ça, je comprenais rien. C'est quoi l'Occident ? Quand tu es petit et tu vois qu'un truc, tu sais pas ce qu'il y a d'autre. C'est un peu comme le film. Là, bon. Lequel ? Le film avec Jim Carrey. Ah, non, avec Jim Carrey. Là, ah, dans le Truman Show. Je sais pas ce qu'il y a au-delà, tu vois. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai découvert que 30 ans après que Ceausescu est mort, en fait, en Corée du Nord. Ça se passe un peu comme chez moi quand j'étais petit, tu vois. Donc c'est une sorte de fascination pour ça, parce que le truc, il continue d'une sorte ou d'une autre. Est-ce que la fascination pour la ville, elle vient aussi quand on va à Bucarest? C'est assez impressionnant, ces grandes avenues qui arrivent au palais, etc. On sent la démesure totale des Ceausescu. Est-ce que ça vient de là aussi, de détruire, mais de modifier cet environnement qui est très pesant, qui est très impressionnant? Après, en fait... l'idée de ce film, c'était que vraiment à ce moment-là, quand je l'ai fait, il y avait vraiment eu des inondations en Corée du Nord. Mais pas à Pyongyang, la grande ville, mais c'était dans des endroits moins connus. Mais il y a eu des inondations. Donc, du coup, j'ai eu une sorte de inspiration comme ça. Et je voulais vraiment représenter ça. Donc pour raconter, on a des images assez traditionnelles de Pyongyang, voilà, et petit à petit, l'eau qui monte, commence à envahir. C'est un peu comme Venise, mais à Pyongyang. qui se crée. Et pendant ce temps, il y a des spectacles qui continuent. Toute la vie, la vie qu'on peut voir, ça continue comme si l'eau n'était pas là. Quoi. Donc il y a une sorte de surréalisme entre la réaction des gens qu'on voit et l'environnement. Mais bon, donc voilà, j'ai expliqué d'où ça vient toute cette fascination. C'est pas nouveau quand même. Si on reprend Coagulette, par exemple, en 2008 ou quoi, cette volonté de transformer, c'est pour ça que je me demandais. Il y a une volonté de transformer quand même notre réalité. Et c'est différent du travail de Moïko qui va prendre presque l'infiniment petit, on va dire, et qui va essayer de regarder ce qu'il y a dedans et voir ce qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Alors que toi, l'idée, c'est quand même de transformer tous ces endroits, que ce soit des déserts, que ce soit des grandes villes, et de les modifier. Oui, justement, c'est ça qui m'a toujours intéressé depuis que je fais de l'art numérique, dans le sens où j'utilise les ordinateurs pour changer l'image. Depuis ce temps, ça m'a toujours fasciné, en fait, déconstruire la réalité. Donc, je veux pas faire des trucs, qu'on n'a jamais vu, tout ça. Par contre, je veux modifier des choses, je veux créer une sorte de réalité un peu, qui bug, quoi. Et donc, ça, c'était un exemple. Donc, c'est un peu étrange, mais c'est en même temps, c'est réaliste. Donc, je veux jouer un peu avec la perception dans ce sens-là. Ça donne une sorte de comment on appelle, le truc de Freud, l'inquiétante étrangeté. Et je reviens sur ma question par rapport à Bucarest. Oui, Bucarest. Je vis pas à Bucarest. Non, t'as pas vécu jamais vécu à Bucarest. Il a dit s'il y a une bombe atomique qui peut larguer quelque part sur Terre, ce sera sur Bucarest. D'accord. Ah bon. Je cite. Ben voilà. Donc t'as jamais vécu là-bas. Il y a du anarchiste. Il y a des gens que j'aime bien à Bucarest, donc si on pouvait au moins leur dire avant qu'ils puissent partir avant. Mais c'est vrai que c'est une ville, alors je ne sais pas, qui est assez marquante quand on vient. Je ne sais pas si vous y avez été. D'une petite ville comme Paris quelque part, c'est que c'est vrai que ces grandes avenues, même les Champs-Élysées à côté, c'est rien, quoi. Il y a un côté qui est complètement dans la démesure, des deux Ceausescu qui voulaient tout à leur gloire, quoi. Il y a un côté... Oui, mais c'était un peu la course de qui est le plus grandiose de dictateur. Émulation. C'était Mao aussi, il était pas mal. Il faisait du coup, chacun voulait montrer que lui, il est plus grand que l'autre. Donc... c'était un peu la sorte de truc qu'on peut masculins, hein, disons. Ouais, ouais. C'était que des hommes, dire, tu vois. Ouais. Si, c'est faux. tu peux dire. Oui, hein, c'est ça, on se disait un petit peu. Même si Ceausescu n'était pas non plus un ange. Ah, la femme chez Ceausescu était terrible aussi. Oui, ça va. La femme, on parle pas trop. Enfin, elle était quand même très importante à l'époque. Oui, après. Faisait, ouais, ouais. Mais justement, après, j'ai fait un film où il y a Ceausescu, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as il a fait revivre Ceausescu. Tu l'as vu, Ceausescu. Ça Non, t'as pas vu. Alors, Marie-Pauline. Oui, moi, je l'ai vu, ouais. Nicolai. Oui, oui, c'est ouais. Ça. Ouais, en hologramme. Ceausescu, oui, en hologramme. Justement, là, il y a une autre technologie qui est importante. Que c'est l'IA. Que c'était la première fois que j'ai utilisé ça. Il est passé où? Toi, tu te rappelles, Marie-Pauline, où tu l'avais vu? Ou en sélection, enfin... Moi, je l'ai vu parce qu'il faut rappeler que le film avait eu le prix du meilleur court-métrage du syndicat de la critique, ouais, il y a 3 ans, non, 4 ans, 5 ans. C'était 2022 qu'il y a eu le prix. Alors, ça fait un an. D'accord. Oh là là, le temps passe. Ça passe vite. Vite, finalement. Marie-Pauline fait tellement de choses que pour elle, évidemment, un an, c'est 8 ans pour n'importe qui d'autre. Donc, il avait eu le prix, d'accord, en effet. C'était... Il avait fait beaucoup de festivals quand même, aussi, PhD. Oui, il était à Rotterdam, ouais, il avait pas mal tourné. Ouais. Oui, mais c'est juste qu'il y a eu le Covid à peu près en même temps. Donc il y a plein de festivals où je ne suis pas allé parce qu'il y avait le Covid. Tu racontes comment tu as utilisé le AI quand même, c'est quand même vachement bien. Ouais. Mais ça, c'est peut-être important, intéressant pour la radio anarchiste. Eh bien, allons-y, l'intelligence artificielle, comment tu vois, parce que voilà, donc je voulais. Moi, je voulais faire revivre Ceausescu. Justement, c'est dans la même histoire de fascination que j'ai eue pour Kim Jong-un. Et là, je retourne chez moi. Donc, je voulais faire revivre Ceausescu. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, surtout plus âgés, mais qui disaient que ça, c'était bien. Tu vois, à l'époque, il y avait ça. Maintenant, on n'a plus rien. C'est une Roumanie en ce moment. Enfin, depuis Ceausescu, c'est une sorte de capitalisme sauvage, quoi. Tu vois, c'est un truc qu'on peut... Comment on appelle ça? Après, c'est limite une kleptocratie, donc ceux qui volent le plus, qui ont le pouvoir, en gros, c'est ça. Et du coup, c'est normal que beaucoup... C'est forcément des gens qui regrettent la kleptocratie. Ouais. Voilà. Et beaucoup de gens, ils vivent pire qu'avant. Hein. Pas tous, il y en a qui vivent bien, beaucoup mieux, mais il y en a quand même qui vivent... Et du coup, ceux qui vivaient... Enfin, pour eux, il y avait une sorte de stabilité à l'époque... Et maintenant, ils n'en ont plus, parce qu'il faut se débrouiller tout seul. Et donc, ces gens-là, et chaque fois qu'il y a un truc qui ne leur convient pas, ils disent, mais c'était mieux, Ceausescu. Et si Ceausescu était là, on n'aurait pas ça. Et du coup, moi, j'ai pris ça littéralement. J'ai dit, je vais vous le ramener, hein, Ceausescu. Si, voilà. Du coup, c'était quand même un challenge, parce que je voulais que Ceausescu, il parle... C'était en 2019 que j'ai commencé. Hein, mais qu'il parle... Il s'adresse aux gens d'aujourd'hui, de Roumanie, tu vois. C'est comme s'il revient à la vie, et voilà, et il s'adresse aux problèmes de l'époque. Et pour ça, en fait, à l'époque, il y avait quand même quelques hologrammes. Il y avait Claude François, qui était en France. Hein, j'ai vu un spectacle de Claude François. Ouais. Avant ça, les fameux, il y avait Tupac. Il y a Hatsune Miku aussi. Ah oui, Hatsune Miku, c'est vrai. Mais bon, il y avait un Tupac, c'était un truc... Aussi, parce que la différence, c'est que c'était une personne qui existait, qui a vécu, quoi. Donc voilà, et pour ça, c'était très très compliqué. En fait, il fallait faire du 3D, du visage, et c'est un boulot monstrueux et qui marche pas très bien, parce qu'il y a toujours une sorte de... Ce qu'on appelle en 3D le Uncanny Valley, c'est qu'on reconnaît que c'est pas humain, quoi. Et là, du coup, je tombe sur... ce qu'on appelait les deepfakes. Et tout d'un coup, je me dis, bah, c'est ça qu'il me faut. Il faut que j'utilise ça. Et la plupart des utilisations, c'était dans le porno. C'est par là que ça a commencé. Parce qu'en fait, les gens qui se connaissaient bien en ordinateur, ils remplaçaient, tu vois, des trucs de porno, des visages, avec des actrices connues. Il y avait beaucoup de, je sais pas, Scarlett Johansson, là. Le visage de Scarlett Johansson. Et donc, c'est là qu'ils ont développé cette technique. Et après, il y a eu quelques films où il y avait Barack Obama, je ne sais pas qui, tu vois. Donc, c'est devenu un peu connu. Mais en fait, ils ont développé cette technique pour le porno. Et donc, pour que moi, j'arrive à faire Ceausescu, il fallait que je passe par ces sites, tu vois, pour voir comment ça marche. Parce que les tutoriels, tu vois, c'était dans ce genre de trucs. Il y avait des plateformes de deepfake porno. Il a vu beaucoup de porno, du coup. Bah, y avait... Comment va ce porno à changer ce cours, ouais. On a la suite, là, nous. Voilà. Donc, il fallait apprendre comment ça marche avec les histoires de trucs de porno. Ouais. Et voilà, après, il fallait que je fasse ça avec Ceausescu. Donc, j'ai fait une base de données. T'as mis Ceausescu dans le porno? Mais non, ça serait drôle. Mais je pense maintenant, c'est faisable, facilement faisable. Et du coup, je me suis fait des bases de données énormes de visage de Ceausescu. Tu vois, j'ai pris tous les films, tout ce que j'ai trouvé, des photos, tout ça. Il y a des archives. En fait, j'avais jamais été dans une vraie archive parce que voilà, je me suis débrouillé avec Internet. Donc, j'avais des milliers d'images de son visage. Avec ça, j'ai entraîné que ça suit un autre visage. Donc, on filmerait quelqu'un qui lui ressemble. Après, je peux adapter le visage de Ceausescu, c'est ça. Par contre, c'était pas si facile parce qu'en fait, à l'époque, la synthèse de voix en AI, ça marchait pas. Quasiment pas. Il y avait quelques trucs, mais ça marchait vraiment pas. Du coup, là, j'étais coincé. Comment on va faire sa voix? Parce qu'il y avait une voix très, très particulière. Et donc, tous les Roumains qui... ils disent, on reconnaît tout de suite, c'est pas lui, c'est pas la voix. Et on a fait des castings, tout ça, à Bucarest, justement. Enfin, pas moi. Ils ont même envoyé des images. Je suis pas allé à Bucarest. Et... avec des acteurs professionnels, c'était la catastrophe. Il n'y a aucun qui était capable, tu vois, de faire imiter. Après, moi, je voulais plutôt un imitateur. Hein. Je ne voulais pas un acteur lyrique ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment quelqu'un qui fasse Ceausescu le plus. Non, ils étaient incapables. Alors, comment on va faire? Et du coup, j'ai regardé plein de YouTube, tout ça, de toutes les émissions un peu ringardes en Roumanie. Et j'ai trouvé, il y avait un fan de Ceausescu là, qui, dès qu'il pouvait, il prenait le micro pour imiter Ceausescu. Je dis, il m'était très très bien. Du coup, c'est lui que je veux. C'est lui, on a besoin. Après, les gens qui s'occupaient du casting, tout ça, ils ont dû le trouver, mais c'était pas facile à trouver parce qu'il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas de carte bancaire, tout ça. Tu vois, il n'y a pas de mail. Comment tu trouves quand il n'y a pas de mail? Ils ont trouvé parce qu'ils ont dû appeler l'émission de télé où il était, tu vois. Donc, eux, ils lui ont filé le contact. Enfin, on l'a trouvé. Après, on l'a amené en France pour filmer le discours de Ceausescu. Parce que dans le film, au départ, c'était la pièce centrale du film, c'était ce discours et comment les gens y réagissent. Après la réalisation du film, tout ça, les gens de mon village en particulier, ils ont pris plus d'importance, disons, que cet discours de Ceausescu. Mais pour structurer au début, on avait besoin de ce discours. Et on avait besoin de montrer ça en hologramme aussi. Donc, on a filmé un imitateur de Ceausescu à Paris, dans le studio où ils ont fait aussi, où ils ont préparé les hologrammes de Mélenchon, justement. C'était, il y avait du background, quoi. Et donc, on l'a filmé là-bas, et après, moi, j'ai fait avec un truc qui vient du porno, voilà, j'ai remplacé son visage. Et donc, on avait le discours prêt, mais le problème, c'est qu'après, il y a eu le Covid. Vraiment, à ce moment-là, ça a commencé. Donc, on ne pouvait plus filmer. Moi, je voulais faire une fête énorme dans mon village en Roumanie où Ceausescu va faire son discours. Je voulais faire la fête du truc, quoi. Tout le monde qui vient, on donne à manger, à boire. Tu vois. Et on n'a pas pu, malheureusement, parce que le Covid. Du coup, j'ai organisé c'est intéressant de savoir que. À cause de ce Covid, j'ai dû toute la structure du film, ça a changé. Donc, c'est devenu beaucoup plus quelque chose de personnel, de mon rapport avec ces gens qui sont dans le village. Enfin, c'est devenu plus un projet, sur moi que sur Ceausescu, finalement. Voilà. Donc, on a quand même organisé une sorte de spectacle. Il y a eu une sorte de moment là où c'était assez libre parce que tu vois il y avait les confinements tout ça, mais à un moment donné on pouvait quand même, c'était l'été, il y avait moins de Covid, je sais pas quoi, on dit là on va le faire, et on a fait une version plus petite de par rapport à ce que je voulais au départ, mais c'était quand même intéressant. Donc on a fait un dispositif holographique, donc Ceausescu il revenait et s'adressait aux gens avec un discours qui était très, que j'ai écrit moi-même. Où justement il parle, il Xi Jinping, Kim Jong-un, ça, Poutine, et voilà. Et j'ai fait ça, et après, il y a la guerre de l'Ukraine. Ouais. Donc c'était assez... Maintenant, je regarde ça, c'était quand même assez... Comment dire Prémonitoire. Prémonitoire, ouais. On va faire une petite pause, on va revenir avec Mélenchon, porno, on va peut-être parler de porno, je sais que... Nicolas va absolument parler des pornos de Momoko Seto. Donc, quelque chose qu'il aime beaucoup, je sais. Donc, peut-être qu'on va reparler porno. Ça va être une émission, pas mal. On va parler de plein de choses, d'environnement. Enfin, il y a plein de choses encore à parler. Puis, du nouveau film, long métrage de Momoko Seto aussi. Mais on va faire une longue pause pour se reposer un tout petit peu. C'est toi, Momoko, qui nous l'a proposé. Et est-ce que je te laisse dire le nom de Hosono Haruomi ? Hosono Haruomi. En fait, quand tu m'as proposé de t'envoyer un morceau, c'était justement, c'est pour ça que c'était intéressant que tu as mis Sound of Metal au début, parce que c'était Nicolas Becker qui m'avait envoyé ce morceau, que je ne connaissais pas en fait, et que j'ai découvert après grâce à lui, l'artiste, et j'ai un peu écouté d'autres trucs. Et pour parler de générique de fin de mon film, etc. Est-ce qu'il faut une voix ou pas une voix? En tout cas, cette voix, ce morceau était intéressant parce que ça fait vraiment la chanson de l'île au Japon. On a cette image de cette voix et ce type de musique qui est vraiment un truc d'île et tout. Et comme je revenais du tournage à Yakushima, qui était sur une île, et ça, enfin, il y avait un lien. Et du coup, tu m'as demandé un morceau et je venais de découvrir ça. Donc, je te l'ai envoyé. Voilà. Et donc, on écoute un morceau, j'ai le nom, qui s'appelle Mabuidance 2, qui est tiré donc de Médecine Compilation, qui est normalement 93. Ici, c'est un remaster, ils l'ont remasterisé en 2020. Et donc, il est vraiment important, Haruomi Hosono. Il a notamment participé à Yellow Magic Orchestra, donc avec Ryuichi Sakamoto. Et c'est un personnage, moi, que je ne connaissais pas, vraiment important dans la musique japonaise. Ariel, on écoute, ça doit être... Oh, Et voilà, nous parlons car donc cette semaine est sorti hein, le nouveau film, a priori le dernier, mais on ne sait jamais avec lui, d'Hayao Miyazaki. Peut-être qu'il y aura un AI de Miyazaki qui fera des films à la Miyazaki dans quelques années. On ne sait pas, en tout cas, le dernier film. Et donc, Haruomi Ozono, dont vous venez d'entendre, avait produit la chanson donc, de Nausicaa, le fameux film de Miyazaki. Donc, le film, en effet, là, est sorti cette semaine, marche plutôt bien au Japon, ce qu'il fallait s'en douter. Et en effet, la petite chose, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de publicité, ils l'ont sorti. Après, c'est Miyazaki, ils peuvent se le permettre. Je pense que c'est plus difficile de sortir un film enfin, des moins connus, sans publicité, sans rien dire juste. Miyazaki pouvait se permettre de sortir. Je pense que s'il sort ici sans publicité, si on sait que le film est sorti, il y aura toujours le nombre de fans et le nombre de gens qui aiment par rapport à ça. Donc voilà, beaucoup de gens disent que c'est une première et on va voir ce qui va se passer après. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens peuvent se permettre ça, à part Miyazaki. Donc je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui fasse moins de publicité par la suite. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'il est attendu en France. Parce que là, on parle un petit peu en dehors, Venise, Berlin, etc. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de confirmé sur la date de sortie. Il y a une date, mais qui est à mon avis complètement farfelue, et ça ne marchera pas, qui disait le 1er septembre. Oui, c'est ça. Mais d'accord. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une chance, les Miyazaki sortent plutôt assez tôt, dans le sens où Onesta qui s'en sort, sont grands fans, et donc font tout pour le faire. Bah, écoutez, à suivre. Si c'est le 1er septembre, en tout cas, a priori, plus de Venise, plus de Berlin, plus de... Oui. On verra. Allez, revenons après cette pause, revenons sur nos deux invités. Pourquoi un long métrage? Comme ça, c'est fait. La question est passée. Elle est dite. Ben, on veut être plus longtemps sur cette planète. C'est ça. Donc il y avait il y avait l'envie. Tu sentais que ces planètes, voilà, pouvaient t'amener à autre chose. Ça a été dur quand même de faire un séance, parce que ce qui fonctionne aussi, c'est cette espèce de moment qu'on passe très resserré, ces 10 minutes et d'émerveillement ou d'effroi, enfin voilà, mais en tout cas là-dessus, mais de faire un long. Ouais. Ouais. Bah justement, c'était un peu l'objet de mon râlement, envie de râler. Allez, ça venait tu de peux là. Commencer, hein, tu râles quand tu veux. Hein, t'as déjà râlé un peu contre le freinant, on peut essayer de râler. Oh, je ne sais pas râler, je les aime bien le freinant. en fait, à vrai dire, c'était un ami, d'ailleurs, du freinant, qui avait eu mon court-métrage Planète Sigma, quand il est sorti, juste avant d'aller à Berlin. Et il a regardé, il m'a dit, mais... Pourquoi t'écris pas un truc plus long? Parce que c'est trop court, on a envie de rester plus longtemps, on a envie de voir d'autres choses et tout. Et j'ai dit, ah, tu crois et tout, bah, c'est sympa de me dire ça, mais bon, je sais pas trop comment le développer en grand, quoi. Voilà, sans que ça fasse Koyaanisqatsi 2, quoi, tu vois. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et du coup, j'en ai parlé, puis je me dis, bon, pourquoi pas? Et je commençais à poser un peu des idées, des moments que j'aime bien, voilà, des scènes cosmiques de plancton. Et dans ces scènes cosmiques de plancton, je veux avoir des oursins ou une scène de désert que je fabrique avec des écorces d'arbres. Enfin, voilà, j'avais quelques idées que j'avais déjà développées dans les autres trucs que j'ai un peu mis à plat. Puis je me dis, tiens, il peut y avoir une suite dans tout ça, un lien, le réchauffement, le changement climatique, de l'atmosphère qui change, il pleut beaucoup, donc il y a un changement de paysage et tout. Donc je commence à écrire. Et Emmanuel Chaumet, donc, qui était producteur au début, qui m'avait proposé de rencontrer un scénariste, m'a dit, tu peux écrire avec Alain Lérac, qui est un scénariste qui vient plutôt de la télé. Donc il a écrit des séries télé pour TF1. Une famille formidable, je crois qu'il avait fait vraiment un carton. Et qui a duré longtemps en France. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, c'est lui qui a écrit ça. Et puis, voilà, il écrit plein de trucs. Il est spécialiste de psychologie féminine et tout. Et donc, je le rencontre. Je parle de mes insectes, ma pourriture et tout. Et puis, il est là, OK, ça a l'air chelou, ton truc. Moi, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de dialogue. Il m'a dit, moi, j'écris des dialogues, en fait. Et je me suis dit, il n'y a pas de dialogue. Et il a vu mes courts-métrages, ça lui a beaucoup plu. Et il s'était promis de ne pas travailler sur des longs-métrages. Il a décidé de se mettre avec moi. Donc, on a écrit vraiment à quatre mains. Enfin, plus lui, dans le sens où, voilà, moi, j'avais 10 pages de traitement. C'était tout ce que je pouvais sortir. Voilà, des moments, des castings. Et lui, par-dessus ça, il a mis une histoire. Voilà, il a mis des suspens. Là, il n'y en avait pas. Il a mis des émotions qui n'étaient pas forcément mon fort. Il a mis des moments, voilà, beaucoup d'émotions en fait. Et lui, il est beaucoup, là, il faut de l'émotion, il faut mettre. Et quand je l'ai vu travailler, je me dis, mais ouais, un scénario, c'est vraiment un métier, quoi. Je veux dire, c'est un technique. voilà, le personnage va pas s'avancer ensemble, il y en a un qui va s'arrêter, l'autre qui le regarde, ah il vient pas avec moi, donc il avance tout seul, et en fait il est venu, donc on est content, parce que moi j'avais écrit une ligne, ils sont partis tous les deux. Je me dis quand même... Donc c'était un plaisir, ça a pas été... trop difficile tout ce passage là au scénario. C'était génial, ouais, ouais, c'était vraiment. Super, ouais, ouais. Et j'étais à chaque fois je recevais des pages, je me dis bon Momo j'écris voilà le premier chapitre comment ça venait, je lisais, j'avais envie de savoir la suite, je me dis qu'est-ce qui va se passer après, et il avait ce voilà c'est un peu la série télé aussi de ce don de dire ah, alors et alors et alors je dis Alain mais envoie-moi la suite là je veux voir ça et donc ça s'est passé pendant 2-3 ans. Comme ça, un aller-retour avec Alain et moi. Et à un moment, il voulait mettre, par exemple, un méchant. Donc, j'ai dit, bon, un méchant, quoi mettre ? J'ai dit, mais tu sais, il y a des fans à tous les insectes. Donc, si on met un coléoptère X, bah, il y aura toujours un fan. Donc, il va être pas content que ça soit un méchant. J'ai dit, quel serait un insecte que tout le monde déteste ? Mais vraiment, l'unanimité. Parce que même le cafard a des gens qui aiment. Ouais, j'avais bien bon. Et non, il y a des gens qui aiment les cafards, ouais. Tu vois. Je me dis, mais là, c'est vraiment tout le monde, l'unanimité. Et j'ai trouvé, c'était les moustiques. J'ai dit, franchement, il n'y a personne qui aime les moustiques. Tu vois ? C'est vrai. Tu es d'accord ? Je sais pas, Nicolas réfléchit, Marie-Pauline, Irai. Je pense au même titre qu'il y en a qui aiment les cafards, je pense qu'il y en a qui aiment les moustiques. Ah, il n'y a personne qui aime les moustiques, franchement. Je ne sais pas. Hein. À part les chercheurs de moustiques. Ariel, t'aimes les moustiques ? Non, Ariel n'aime pas les moustiques non plus, c'est pas grave. Je te demandais si t'aimais les moustiques, mais non, c'est pas grave. Et c'est le plus grand tueur de l'humanité, hein, c'est les moustiques après l'humain. Ok. Ouais. Bon bref, donc on a mis un méchant, mais finalement on est revenu, on disait, j'ai dit, écoute Alain, en fait il n'y a pas de méchant dans la nature. Donc ça c'est un anthropomorphisme qu'il ne faut pas le mettre. Donc on a enlevé toute cette partie, il m'a détesté à ce moment-là, il m'a dit « Ah oh, c'était super cette scène et tout, attaque des moustiques et tout. » L'attaque des moustiques, ça s'appelait le chapitre. J'ai dit « Non, écoute, il faut l'enlever. » Donc voilà, j'étais aussi, bien évidemment je suis au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la pensée philosophique, sur comment voir la nature aujourd'hui, tout ça. Donc voilà, je ne voulais pas... faire une dichotomie entre un méchant et un gentil, je voulais pas faire, surtout pas d'anthropomorphisme, je voulais, il y avait un livre d'Anna Tsin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La Champignon de la fin du monde, qui est un livre anthropologique génial, où elle explique que voilà, si l'humain, on arrive à prendre le paysage, non pas comme un paysage, c'est-à-dire comme un réceptacle où nous allons marcher, comme un décor, mais que comme un acteur, et comme comment vivre ensemble, ça serait dit, là, on aurait fait un pas d'avant. Et en fait, tout le film, c'était ça. C'est-à-dire, c'est pas un décor, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est un acteur. Donc, le changement géologique, ou la métamorphose d'une montagne parce qu'elle dégèle, bah, c'est un acteur. Voilà. Et là, tu commences à voir autrement les choses. Qui quelque part, sans réduire évidemment à ça, mais quelque chose aussi d'assez japonais, ou en tout cas dans cette idée, ouais. On parlait de Miyazaki, on parlait de gens, alors plus large que ça, mais cette idée de vivre dans la nature, et l'idée qu'on fait partie de cette nature, et on n'est surtout pas au-dessus et pas en dessous. Exactement, ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Important aussi de jouer ça. Sans... oui, bien sûr, ouais. Du coup, voilà, l'écriture, ça s'est un peu passé comme ça aussi, c'est-à-dire on supprime aussi tous les vieux bagages qu'on a en fait. De se dire, voilà, en regardant les choses autrement, nouveau, comme on le propose, il y a beaucoup de penseurs qui travaillent là-dessus, mais il n'y a pas eu vraiment de résultats concrets de l'œuvre, de, tu vois, of plastique ou même politique. Donc, je voulais bien être là, voilà, d'être dans cette première ligne, de dire, voilà, on a compris tout ça, ça fait 10 ans qu'on parle, qu'on écrit sur ces changements climatiques, etc., les catastrophes naturelles, sans être alarmiste et politique. Comment on peut interpréter artistiquement sans que ça soit politique non plus. C'est pas le but. J'essaie de regarder mes camarades, ok, ils veulent poser des questions aussi, c'est pour ça que j'essaie de faire. Ok, donc ça c'est devenu un peu sérieux, pardon, je voulais râler, mais... Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu crois que d'avoir aussi un scénario, le film, alors tu vas nous dire, peut-être que tu vas râler après, en tout cas, a été, au tout début, j'ai l'impression qu'il a été plutôt bien accueilli, j'ai l'impression au niveau financier, au niveau... Enfin, je sais pas, au tout début, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un prix quelque part, on disait, tiens, c'est ton film, ou en tout cas, voilà, il y avait Gann, je sais pas, il y avait des choses comme ça. Est-ce que le fait d'avoir un scénario plus ton univers, ouais. Ces choses-là, ça a aidé? Exactement. Alors, ça a beaucoup aidé parce que, en fait, bon, j'avais fait beaucoup de courts-métrages, j'ai déjà eu du CNC pour mes courts-métrages, etc. Donc, voilà, la commission me connaît quelque part. Et quand je propose à Long, il se méfie quand elle se dit, oui. Bon, ok, elle fait plutôt cinéma expérimental, tu vois, voilà, on veut pas non plus voir une heure et quart de trucs fous avec des sons machins. Non, personne va le voir. On touche quand même l'industrie. Du coup, tout le monde était vigilant pour savoir s'il y a une histoire. Voilà, qu'est-ce qu'elle va nous raconter en fait. Donc le scénario, on l'a bétonné, mais on parlait que de l'émotion, de personnages. On était toujours avec des personnages. Il y avait des champs contre champs, il y avait des gros plans. Voilà, c'est tout ce qu'on me demandait au CNC. Est-ce qu'il y a des gros plans? Oui, il y a des gros plans, champs contre champs. Oui, il y a des moments tristes, etc. Et en fait, je les ai un peu surpris grâce à Alain Lérac, il faut le dire, à ce moment-là. Et puis, Emmanuel Chaumet, il faisait plutôt de la fiction. Donc voilà, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément de mon milieu, qui n'étaient pas forcément arty, niche, tout ça, qui m'accompagnaient et qui faisaient un peu une équipe plutôt solide, tu vois. Et du coup, en effet, on est passé à l'aventure recette. Tout le monde me disait, écoute, tu l'auras pas de première fois, hein, franchement. Enfin, voilà, il faut passer deux fois, trois fois, et puis peut-être là, tu l'auras. Enfin, tu vois, c'est jamais facile. En plus, la première fois que je passe et tout. J'ai eu, premier coup, unanimité. Et je crois que c'est Marie Dariussec, qui est quand même l'écrivaine, qui était aussi la présidente de jury, et je l'ai revue après, et était très contente du film. Voilà, elle était aussi dans un optique de voir autre chose. En fait, l'enjeu, c'était que ma proposition, elle sortait un peu de l'eau. Donc voilà, entre les fictions de père et mère et la fiction de, tu vois, de son histoire d'amour qui marche pas et des enfants, bon bah voilà, le champignon il sortait un peu paf comme ça. Donc on disait soit ça marche, soit ça marche pas du tout, tu vois. Soit t'es, personne n'y croit, ou si ça marche, bon bah on va voir ça. Donc c'était un peu un pari. Et au début j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que voilà, l'aventure aussi, j'ai eu du premier coup, en plus une table ronde unanimité, enfin le mec de CNC il m'a dit c'est quand même plutôt rare quoi, d'habitude on fait deux fois le tour de table, donc ça avait plu. Après on a eu d'autres financements comme Arte qui prenait qu'un long métrage par an en animation, donc tu vois la fenêtre de tir était vraiment très très très très très fine, surtout qu'il reçoit de toute l'Europe quoi. Donc voilà, on l'a eu. Or, Miu m'avait. Entre temps, il y a Miu qui est venu. Juste pour dire, voilà, il y a un mélange entre donc Etché, plutôt fiction, on va dire, plutôt presque de contenu, ouais. Et Miu. Voilà, Miu qui est venu, voilà, un peu après, qui était enthousiaste et tout. Et Sols Aveugles, ils n'ont pas eu tout de suite Arte. Ils m'avaient dit, bon, Arte, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ils avaient même programmé le financement, ça prendrait un peu de temps, quoi. En fait, on l'a eu tout de suite. Donc, tu vois, c'était quand même un peu un miracle. Après, il y avait un autre miracle. Ils ont dit, bon, Canal+, on va envoyer, mais on n'y croit pas du tout. Enfin, personne n'y croyait parce qu'ils leur avaient dit, ne nous envoyez surtout pas des films arty. Vraiment, voilà, films d'auteur, c'est pas notre truc, quoi. Voilà, nous, on veut que ça marche. Et du coup, personne n'y croyait. Manuela ne croyait pas et tout. Il nous dit, bon, on a quand même envoyé, voilà, par geste, quoi, tu vois, en disant qu'ils font un film, tu vois. Je pense qu'ils voulaient plus. Et en fait, on l'a eu. Donc, tu vois, on était là, mais bon, et tout. Et du coup, voilà, on était super contents. Donc ça s'était plutôt très très très bien passé, on a eu vraiment beaucoup de surprises et tout d'un coup voilà, les as sont alignés et on se dit bon bah go quoi. Donc j'étais en tournage depuis 2020. Donc j'expliquais à l'équipe que j'étais à 249 jours de tournage. J'avais dit à Miu, je vais être dans le Guinness là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de films qui se tournent en 249 jours. Peut-être Bellatar ou Lev Diaz. Non, je sais pas, certains réactions. Parce qu'ils font long. Oui, qu'ils font des tournages. Tu peux avoir 3 jours de tournage. Et tu tournes 24 heures, ça fait 72 heures. C'est ça, et ça t'y met pour ça. Marie-Pauline. Oui, moi j'avais une question peut-être un peu bête, mais tu nous expliques là, la nécessité des contraintes financières, d'avoir un scénario et tout ça. Est-ce qu'à un moment tu as envisagé d'y aller, de faire ce long métrage comme tu faisais tes cours, c'est-à-dire justement dans une veine purement expérimental, sans avoir une narration peut-être aussi forte que sur du long? Est-ce que c'est un truc sur lequel tu as fantasmé à un moment ou... Non, pas du tout. En fait, j'aime bien faire autre chose. Donc, si c'est pour faire pareil que court, mais un peu plus long, c'était pas vraiment ce que je recherchais non plus. En fait, ce que j'aime bien, c'est, voilà, c'est de varier, de changer, d'avoir un nouveau challenge. Donc, j'avais fait un film en VR. Alors, j'avais jamais fait de VR, j'avais même jamais vu de VR. À un moment même qu'on a écrit le projet. Après j'ai un peu vu quand même, j'ai fait des installations, pareil j'avais fait un peu d'hologramme aussi, je n'ai pas devant Mireille parce que mais je l'ai vu avant, bon bref. Voilà, j'aime bien avoir un peu de challenge, et là le challenge c'était vraiment un challenge long métrage, c'est-à-dire voilà, il faut une histoire, je veux un distributeur, je ne veux pas sortir dans des petits cinémas pendant 5 jours juste pour dire que j'ai sorti un long métrage. Vraiment je voulais jouer le jeu de l'industrie, De faire autre chose, quoi, voilà, tout simplement. Tout en essayant de faire attention au niveau du scénario, de ne pas tomber dans forcément des clichés ou des choses que tu nous disais avant, quoi. Exactement. Et essayer de faire un équilibre entre les deux. Ouais, ouais, tout à fait. Toi, Mireille, ça te... Le long métrage, l'idée de partir, un truc comme ça, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. Par contre, toi, c'est plutôt maintenant la VR qui t'intéresse, c'est quelque chose. En fait, j'ai fait de la VR, oui, mais là, ça m'intéresse pas non plus la VR, non. Donc, je trouve que la VR, c'est bien d'en faire. J'en ai fait. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux. C'est bon, j'arrête pour l'instant. Parce que je trouve qu'il y a quand même un. Disons, c'est pas. On n'est pas encore à 100% technologiquement avec la VR. Je trouve que. On est très limité. L'expérience VR en tant que telle, elle est, même les meilleures qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quand même pas ce que je veux. Moi, je veux plus que ça. Je trouve que c'est lourd sur la tête. On va pas bien. Il y a des pixels, ça marche pas bien. Déjà, pour regarder un film, c'est compliqué, tu vois. Et donc, je veux faire une pause de la VR. Après, j'ai quand même fait mes œuvres en VR. J'en ai fait deux. Une qui s'appelle Saturnisme et l'autre s'appelle Solaire. D'ailleurs, Solaire était à Annecy. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de travail pour quelque chose qui n'est pas à la hauteur de toute l'énergie que je mets dedans. Moi, je pense que... Et peut-être à cause du fait que... De la technologie, tout simplement, pour l'instant. Et aussi du fait que tu peux pas le diffuser. C'est très difficile de diffuser. Tu vois, la VR, il y a quelques festivals. Oui, puis chacun est dans son petit. Chacun est dans son truc, mais ça une fois sur deux, ça marche pas. Et après, par exemple, à Paris, si je veux voir la VR, où est-ce que je peux pas? Il n'y a pas. Même cas de VR, ils l'ont fermé aussi. Ils ont fermé, je crois qu'il y a tout mot quand on faisait un petit peu le forum des images, mais pareil, pas évident, ils faisaient quelques petites choses, mais ouais. Donc pour moi, la VR, c'est un peu un médium qui est comme ça, une sorte de. Pas un vrai zombie, mais un truc comme ça entre ni mort ni vivant. Tu vois. Et c'est toujours t'es comme ça, parce que ça existe depuis des années, depuis longtemps. Et c'est toujours comme ça, ni très vivant, ni très mort. Quoi. Donc pour l'instant, ça reste. Si un jour, tout d'un coup, parce qu'on attend le truc de Apple, mais bon, à mon avis, ça ne va pas changer beaucoup, parce que c'est tellement cher qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va acheter ça. Ça coûte combien? Ça coûte 3 500 €. Alors que les autres, c'est maximum 2000. Ouais. Est-ce que tu penses que quand on regarde ton travail, est-ce que c'est pas encore plus impressionnant d'immerger les gens justement sans VR et finalement de les plonger dans une image sans avoir besoin d'artifice, de relief, de quoi que ce soit? Après, la VR, je trouve qu'il faut, que ce que on propose comme artiste ou comme réalisateur, il faut que ce soit adapté à la VR. Donc on va pas juste leur montrer des films en 360 degrés, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que vraiment tu es dans cet espace et que cet espace il a un sens qu'il soit comme ça, qu'il soit tout autour de toi. Et ça c'est donc il y a des œuvres qui sont vraiment faites pour ce médium. C'est pas des films comme ça, mais pour moi, j'ai essayé justement dans ce que j'ai fait, j'ai essayé de m'adapter à ça. Je voulais pas faire juste des films pour aller voir un peu, on tourne la tête. Voilà. Je voulais que ça soit quand même un truc qui te prend dans, enfin, qui te parle avec un langage spécifique. Alors, ce que je pense que l'immersion, ça peut être fait en VR ou pas en VR, après c'est une question de... d'intention du réalisateur et de comment tu fais, comment tu mets en place tes intentions. Donc ça peut être aussi une installation vidéo, ça peut être pas forcément la VR, mais c'est vrai que c'est peut-être le médium, disons, le plus proche de ce qu'on peut avoir d'immersif. En même temps, je trouve que justement, je trouve aujourd'hui l'image, l'immersion, en tout cas moi que j'aime dans une salle de cinéma, c'est de pouvoir avoir une immersion sans forcément qu'on m'oblige finalement. Et je trouve que quand on regarde certains effets, enfin voilà, je veux dire, on peut se projeter soit dans une image, même physiquement, sans forcément, et que même au contraire, le fait qu'on soit libre dans nos mouvements, qu'on soit pas avec ce casque et qu'on soit pas dans cette obligation de rester des fois dans un cadre et de pouvoir, je sais pas, dans une installation, pouvoir bouger, etc., etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort dans cette immersion du corps complet et physiquement que uniquement dans la VR. Qui me semble restreint, comme ce que tu dis un peu en ce moment. Oui, mais bah après, bon, on peut s'immerger dans tout film, dans le cinéma. Complètement. Donc, c'est pas, voilà. Petite pause musicale. Pas du tout, je te regarde, t'inquiète pas, Marie-Pauline, qui se dit pourquoi il me regarde. Petite pause musicale, on va partir. J'ai eu le plaisir de partir en Géorgie il y a quelques temps. Je vais vous en parler peut-être après ou pas. On verra si on a le temps de parler et du Portugal où Marie-Pauline était et moi, Géorgie. Et en fait, j'ai demandé juste à. Voilà, je rencontrais pas mal de gens là-bas. Et donc, c'est une proposition de Salomé qui nous propose donc le morceau d'un jeune. C'est un nouveau groupe qui s'appelle Will Colac. Donc c'est All My Friends and Enemies Are Fine, ils viennent juste de débuter, c'est un tout nouveau groupe, ils chantent avant tout en anglais, mais voilà, on écoute ça, Ariel. Et voilà, donc c'était... Hop, j'ai perdu Will Colac. Donc, groupe géorgien. On avance. On reparlera du Portugal et de la Géorgie un petit peu plus tard. Ça te va si, en tout cas, moi, c'était super, la Géorgie. Toi, c'était bien, le Portugal? Ouais, c'était génial. Je dis quand même le nom du festival. Ouais. C'était Courtas à Vila do Conde. Voilà, et moi, donc, c'était Sac Anima, qui était plus une série de conférences. On en reparlera avec la Géorgie qui arrive au Portugal. C'est une grande année. Alors, pour l'animation, c'est assez incroyable ce qui s'est passé l'année dernière. Et je pense que tous les studios comme BAP, etc., là, d'un seul coup, il y a toute une nouvelle génération. Tu peux juste en dire un petit mot. Oui, mais vraiment, je peux juste dire qu'effectivement, dans le cadre du festival Courtas, lors des journées professionnelles, il y a eu une journée entière consacrée à l'animation portugaise, voilà, avec des films qui sont ou en train d'être produits ou en développement et on voit qu'effectivement il s'est passé quelque chose dans l'animation portugaise, il y a un grand élan et en plus l'année prochaine, comme vous le savez, à Annecy, ce sera l'année du Portugal, donc il y a en plus voilà, ça en ligne de mire, et c'est vrai que les réalisatrices, les réalisateurs avec lesquels j'ai parlé, on sentait, voilà, ils se sentaient au cœur de quelque chose, il y avait une émulation, le fait que Ice Merchant ait été le premier film portugais nommé aux Oscars, évidemment, ça a donné des ailes à tout le monde. Film Zagreb il y a 2 ans aussi, Garbage Man de Laura González, donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez incroyable pour le Portugal, et c'est vrai que pendant longtemps on avait cette figure qui est toujours là, heureusement, qui est Regina Pessoa, qui était vraiment le personnage principal, et c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait plein de gens. Et en Géorgie, pareil, juste, c'est génial de voir un pays qui renaît, voilà, et qui revient sur une tradition d'animation. Il y avait une époque qui a été un peu perdue. J'ai assisté un truc incroyable, je savais même pas que ça pouvait être aussi beau, à du théâtre d'ombre chinoise, mais avec des mains, qui faisaient des ours, des choses comme ça, mais qui étaient juste. Enfin, si on ne avait pas dit que c'était des mains, on l'aurait pas cru, qui était absolument extraordinaire, une vraie, voilà, vraiment quelque chose d'une histoire très forte. Et là, ça revient aussi avec Anna Chubinidze notamment, donc là plutôt dans un côté enfant, mais il y a toute une volonté de créer aussi nouveau. Et ce qui est bien, et ça fait des années qu'on dit ça notamment, et c'est ce qui est en train de se passer aussi au Maroc, dans tout ce pays, c'est vraiment bien. Pendant longtemps, le Maroc a poussé beaucoup l'industrie, et de se dire, il faut et l'industrie et les artistes. Il faut les deux en même temps, il faut surtout pas que l'un naissent sans l'autre, parce que l'un a besoin de l'autre. On parlait justement d'être vouloir dans l'industrie, et l'industrie aussi a besoin de la création des artistes, des fois un peu plus libres, qui amènent autre chose. Donc c'est bien qu'il y ait ça, donc c'est assez extraordinaire. Et donc, quelque chose de beaucoup plus, pour l'instant, au début, hein, en Géorgie, pas qu'en Portugal, mais qui arrive petit à petit. On n'a pas parlé de quelque chose qui est très important, on en a parlé un petit peu. Comment vous travaillez? C'est quelque chose qu'on aime bien, on passe beaucoup de musique. Comment travailler avec le son et la musique, qui est évidemment fondamentale pour tous les deux, pour vous deux dans vos films, peut-être Momoko en premier, puis Mireille après. Donc comment, je sais que c'est un peu différent selon les films, mais quand même, on en parlait là, ce film-là, où, notamment un long métrage où tout va reposer, enfin pas tout sur l'image, mais évidemment beaucoup sur le son et la musique. Comment on travaille ça? Alors pour ce projet en particulier de long métrage, j'ai imaginé beaucoup de musiciens, parce que c'était quand même important, primordial même. Et voilà, il y a eu des noms comme Björk qui est sorti, ou moi je voulais travailler absolument avec Sigur Rós, qui est un groupe islandais, que je trouvais que ça allait très bien ensemble. Après, Alain Lérac, mon co-scénariste, il m'a montré une série sur BBC, où je ne sais plus dans quelle plateforme, ils ont utilisé le morceau de Sigur Rós pour introduire un truc de la nature, donc j'étais bon, on a déjà pris. Mais après, je l'ai contacté, etc. Enfin, on a un peu cherché. Et Sigur Rós, au bout d'un moment, j'ai réussi à parler avec Yonsi, parce qu'en fait, le groupe n'existe plus. Mais par contre, Yonsi, il était en solo avec son copain, Alex. Ils ont fait un album il y a quelques semaines. Oui, ils reviennent maintenant. Mais ils étaient à l'époque, il y a deux ans, c'était fini. En plus, il y avait quelqu'un qui était accusé de viol, enfin, je sais pas, dans le groupe. Bref, il y avait un problème. Donc, ça allait pas. Et Yonsi, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, écoute, ça m'intéresse beaucoup, mais 2024, c'est un peu loin. C'était il y a 2 ans. Donc, il m'a dit, écoute, je préfère dire non. Donc, j'étais un peu déçue, etc. Et c'est là que mon monteur, Michel Klochendler, me parle de Nicolas Becker. Il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu contactes Nicolas Becker. Ils se connaissent depuis 40 ans. Il m'a dit, ça va trop plaire, ton projet. Et j'ai lu, ah bon, et tout, et j'ai un peu regardé ce qu'il faisait. Je fais, ok, en effet, quand tu fais Gravity dans l'espace, il n'y a pas de son. Quand tu es ingénieur de son, c'est quand même un challenge, il n'y a pas de son dans l'espace. Donc voilà, comment tu travailles un son dans un milieu, il n'y a pas de son. Donc c'était intéressant, donc je l'ai écrit, et il m'a tout de suite répondu en disant, mais tu sais, moi j'enregistre le son de la moisissure à l'ENS, les microbes, avec un biologiste, je ne sais pas quoi. Je dis, mais attends, c'est incroyable. Moi, je les filme. Toi, tu enregistres le son. On est tous les deux dans le laboratoire comme ça. Je dis, mais c'est incroyable. On est fait un peu pour se rencontrer. Et donc, il m'a dit, mais par contre, moi, je veux travailler avec Quentin Sergia, qui est un musicien avec qui je bosse depuis 2 ans. Et on fait un duo, quoi. Enfin, voilà. Lui, il n'est pas musicien, Nicolas. Il vient de bruitage, il fait de sound design, mais il veut faire un peu de la musique, voilà. Et Quentin Sergia, qui est pianiste, compositeur, qui a fait des musiques de films, lui, il est aussi intéressé par déconstruire un peu ce qu'il sait faire, quoi. Il veut aller dans un endroit où il ne sait pas faire. Donc, voilà. Donc, les deux sont associés depuis 2 ans. Et il m'a dit, voilà, nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas te donner un morceau que tu colles à l'image, mais que que voilà, que la musique devient rythme, il y a un son, devient silence, que tout se métamorphose un peu à l'image et que voilà, il y a un son qui arrive. Et en plus, il m'a raconté plein d'instruments qui existent qu'en un seul exemplaire sur Terre. Donc ça, c'est génial. Il m'a dit, voilà, le bâcher, il faut aller là-bas, il y a un sculpteur qui a fabriqué ça et ça fait un bruit particulier. Et à la fois, on a beaucoup, beaucoup parlé. Voilà, il faut que ça soit un son à la fois archaïque mais futuriste. Donc voilà, on a cherché plein de trucs. Il m'a parlé d'un autre sculpteur qui avait fait avec des écorces d'arbres un son qui ressemble à de l'eau. Enfin voilà, en fait, aucun son. On n'est pas du tout dans le violon, contrebasse, machin. C'est des sons que limite, voilà, qu'ils vont aller chercher dans quatre coins du monde pour avoir ce son-là. Et moi, j'étais vraiment excitée par sa proposition. Je lui ai dit, mais en fait, c'est la meilleure solution pour le film. Puisque voilà, on va pas. Björk m'aurait fait musique et ah d'ailleurs oui. J'aurais dit ah mais ça va pas très bien, bah non, tu la prends, c'est tout quoi, tu vois. Donc c'est ça aussi, on m'avait dit, le superviseur musique, il m'a dit, tu sais, les grands noms, t'acceptes quoi au bout d'un moment, donc tu peux pas non plus modifier. Et puis ce qui est bien, c'est que t'as quelqu'un qui travaille et le son, qui est un ingénieur du son, musicien, enfin voilà. T'as tout un packaging en fait, alors que Björk aurait fait quelque chose, l'ingénieur du son aurait fait autre chose peut-être. C'est enfin, ça, voilà, exactement. Là au moins t'as... Ouais. Et puis quelqu'un qui travaille tôt, je sais que c'est quelqu'un, il disait, il aime bien travailler le plus tôt possible sur un projet. Vous avez essayé de l'amener assez tôt sur le projet. Et il est même venu au tournage. Donc quand on était 9 mois en Bourgogne, il est venu, le musicien aussi, il est venu deux fois. Et puis ils ont vu le dispositif, on a passé beaucoup de temps à parler, on s'est filmé, on s'est échangé. On a beaucoup de vidéos aussi de making-of comme ça. Et là, il a posé ce mois-ci, deux semaines de travail. Mais il sait que c'est pour l'année prochaine, donc il veut que le son pousse aussi de lui-même, tu vois. Donc il a planté les graines. Et toi, Mireille, parce qu'il y a aussi le, pas le vide, mais tu as vraiment un jeu, souvent, dans beaucoup de tes films, oui. Avec le vide. Comment tu joues aussi avec ça, la musique, le vide, silence? Le vide, c'est très important. Ouais. C'est vrai, oui. En fait, en Europe, tout ça, on dit le rien, le vide, ça fait un peu peur, ah. Ouais. Mais chez vous, là, en Asie. Je représente tout l'Asie. Tout l'Asie. Plus au Japon, on va dire que voilà. Je pense que la version, c'est surtout par rapport au bouddhisme. Mais le rien, c'est la possibilité de tout. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup le rien. Après, c'est vrai que dans les films, je travaille d'abord les images. Et après, moi, c'est pas un travail en parallèle. Comme ça, hein, c'est voilà. Je fais les images et après on fait le son. Je fais pas les deux en même temps. On avait un même musicien pendant un moment, le Hans Zimmer de Fred Mars. Ah oui. Il dit comme ça, d'accord. Zimmer. C'est ça qu'il avait dit ça. Il faut le citer, Yann Le Gay. Yann Le Gay, un grand compositeur avec qui j'ai fait tous mes films. C'était notre collègue d'ailleurs, ouais. Fred Mars. Et après, il est resté là-bas. Il travaille beaucoup de nuits. Beaucoup dans la technique du son aussi. Donc il travaille souvent avec les gens du Frénois maintenant, je pense. C'est tout le... Beaucoup de... D'où l'Alzheimer. Okay. Bon, il ne sous-traite pas encore. Il a pas tous ses ans. Il fait tout seul pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Ouais, non, c'était quelqu'un. Et c'est ça qui était bien aussi quand on était au Frénois. C'est-à-dire on avait ce musicien que lui, il travaillait sur la matière de son. Et du coup, on collaborait ensemble et il y avait quelque chose aussi de nouveau dans tout ça, tu vois. C'était une proposition nouvelle de son qui nous pressait. C'était bien. Et qui a marqué. Donc, ouais, Mireille, pour par la suite. Oui, donc, oui, après, c'est. Tu fais les images d'un côté. Je fais les images et après, une fois que j'ai assez d'images pour avoir un film, je travaille avec un musicien. Mais avant, c'était des gens que j'ai connus quand j'étais à Strasbourg, justement. Surtout. C'était un collègue à moi qui s'appelait Jan Weisgerber, et lui, c'était un génie du son. Après, il travaillait pas beaucoup, c'est pas qu'il travaillait pas beaucoup, mais c'est difficile de collaborer. Il était dans son monde, et donc parfois on arrivait à collaborer, là c'était génial, il faisait des sons incroyables, mais la plupart du temps on n'arrivait pas à collaborer. Donc après, j'ai travaillé avec d'autres gens qui sont plutôt dans la musique électronique, ils font des nappes, des choses comme ça. Et donc, pour moi, le son, c'est un... Surtout dans les pièces un peu expérimentales, pas dans le truc de Ceausescu, mais dans les autres, c'est vraiment un peu comme... c'est assez méditatif, disons. Il faut que ça crée quelque chose d'assez physique sur le... Dès que tu vois le truc avec du gros son, il faut que ça... ça touche ton corps, quoi. C'est un peu pour l'immersion, justement. Juste, pardon, mais non, c'est important, mais déjà, ce que tu as parlé de nappe, le problème, dit que souvent, c'est que ça pourrait être juste une musique comme ça, qui est derrière et qui finalement va tuer un peu les images et fonctionne pas. Alors que c'est vrai que toi, on sent. Non, moi, c'est quand même. Le travail derrière est physique, ce côté physique. Il faut que ça soit physique. Il faut que tu te prennes ça, quoi. Enfin. C'est pas du noise non plus, hein, mais vraiment il faut qu'il y ait un côté un peu répétitif, un peu méditatif qui va vraiment sur le corps. Qui va... Après, sur le documentaire de Churchill, c'était différent, c'était un travail beaucoup plus classique. Il n'y a pas de musique d'ailleurs. Il y a un moment donné où on entend des musiques de l'époque de Churchill, mais ça, c'est pas. C'était pas des nouvelles créations, mais il y a pas de musique. Oui, ouais. Tu travailles sur quoi en ce moment ? En ce moment, je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. D'accord. Mais pour l'instant, en fait, je crée des images qui sont un peu dans le même univers. Mais aussi, je fais mes propres modèles de IA, c'est-à-dire, on peut créer des images de nos jours, tu sais, depuis un an, c'est arrivé ce qu'on appelle l'AI générative ou le text to image, où en fait on peut créer des images avec du texte. Ça, je trouve, je divague un peu, mais je trouve c'est très intéressant parce que là on est un peu dans entre poésie et art visuel, quoi. En fait, tu écris un texte et tout ton résultat visuel dépend de ton texte. Donc, c'est une sorte de poésie, quoi. Voilà, je trouve ça assez fascinant dès que j'ai vu ça. Et après, on veut ou on veut pas, mais les modèles d'intelligence artificielle, ils vont se glisser, ils sont déjà bien glissés dans notre vie, surtout si on utilise beaucoup de smartphones, tout ça, ils sont là, mais ça va être de plus en plus. Donc je trouve que c'est important, pour moi, c'est important de maîtriser ça. Enfin, il faut que... Oui, que les artistes les maîtrisent, et pas que le côté commercial. Après, beaucoup d'artistes, ils aiment pas ça, ils disent, ouais, ils vont nous piquer le travail, je sais pas quoi. Mais... c'est vrai, il y a eu même des... tu vois, sur Internet, ils étaient contre, il faut interdire tout l'IA, mais je trouve ça débile, quoi. En fait, il faut... C'est l'avancement de la technologie, tu vas pas... parce que tu penses qu'il va te piquer le boulot, tu peux pas arrêter une nouvelle technologie qui arrive. Donc forcément, il y a des... ça va affecter le marché du travail. Donc il y aura des boulots qui n'existeront plus, mais il y aura d'autres boulots qui vont se créer. Et de toute façon, pour l'instant, l'IA n'est pas... comment dire, n'est pas autonome. Donc, elle ne va pas faire tout seul. Il faut contrôler. Et ça va durer encore quelques années au moins. Où c'est quand même l'humain qui dirige un peu l'IA. Et dans la création artistique, c'est beaucoup ça, en fait. Tu peux pas, tu peux laisser le truc faire, mais tu ne contrôles pas ce qu'il fait. Donc, il faut quand même... c'est une sorte de collaboration, disons. Et voilà pourquoi je parle de ça. Je disais, je fais mes propres modèles. Donc, je veux entraîner des IA à partir de mes images à moi. Donc, j'ai fait beaucoup d'œuvres, en fait, pas des films, mais des images statiques, un peu de la photographie ou des choses avec la 3D. En fait, je veux qu'il y ait une sorte de IA qui m'imite moi-même. Tu vois. Donc, j'aime bien ça. Tu inverses la chose. Oui, je veux qu'il me. Tu vois, je dis. Idéalement, j'aimerais bien, dans 10 ans, je dis, fais-moi une œuvre comme ça, et je le fais. Quoi. Tu vas appeler un IA ton nom, on aura ton nom. Et même quand je serai mort, qu'il y a une IA qui fait continue hein, et tu vois, tu peux dire qu'elle va venir à la radio, elle va parler à ma place. J'aimerais bien. Elle va devenir éternelle. C'est ça. Après, je suis pas dans le post-humanisme non plus, je trouve ça juste intéressant comme concept. Tu vois, d'entraîner un truc qui continue. Quoi. Bah ouais. Et qui sera en fait le prélude du film de Momoko Seto, et quand l'IA prendra la place, et nous ne serons plus là. J'utilise aussi l'IA dans mon film. Évidemment. Donc, ouais, allez, on va pour finir, et on prendra juste la parole, mais deux secondes juste pour dire au revoir. On va passer le dernier morceau, je vous avais promis l'album du mois. qui s'appelle donc d'un groupe qui s'appelle Agriculture. L'Agriculture, c'est leur premier album. C'est une ecstatic band black metal from Los Angeles qui est inspiré par la gloire de l'océan. L'album est sorti hier et on écoute justement The Glory of the Ocean, donc qui est le morceau aussi sûrement The Glory of the Ocean. Hier, hein. Thank you. Et voilà, merci beaucoup. C'était donc Bulle de Rêve. On remercie infiniment Ariel qui était aux manettes ce soir. Merci Ariel. Et puis bien sûr, l'équipe et Momoko Seto et Mireille Grécou. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Bye bye.